Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, quatrième épisode de notre semaine consacrée à l'humour, place aujourd'hui à une révolution comique et médiatique, un trublion insaisissable et engagé, Jamel Debbouze. En 1990, à la télé comme dans les théâtres, l'humour n'est jamais ou si peu d'origine maghrébine, africaine, asiatique. Non, l'humour est blanc, généralement masculin, et les minorités sont absentes des plateaux et des planches. Dans les journaux télévisés, en revanche, les jeunes de banlieue, noirs et arabes en tête, ont déjà trouvé le rôle qui leur sera durablement assigné, émeutiers, brûleurs de voitures, violeurs des caves. C'est dans ce contexte qu'un tout jeune homme va faire une entrée fracassante. Jamel Debbouze, le jeune humoriste, vient de banlieue, justement, et ses parents sont marocains. Arabe, banlieusard, musulman, mais surtout français, Jamel, comme on l'appelle affectueusement, va donner une visibilité nouvelle aux minorités et aux jeunes de banlieue, tout en renouvelant les formes et les thèmes de l'humour sur fond de tensions sociales. Des Yvelines à Canal+, du stand-up américain au Festival de Cannes, retour sur le parcours singulier et incisif de Jamel Debbouze, un humoriste pas comme les autres, qui a contribué à changer notre façon de rire et de regarder la télé. Notre invité aujourd'hui, Samia Orozmann, humoriste, auteur également du livre intitulé « Femmes de couleur », publié cette année là chez First Edition. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacquibauguez. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. En 1983, au cœur de l'été suite à des violences policières, des affrontements éclatent entre la police et des jeunes du quartier des Minguettes à Vénissieux, près de Lyon. Les caméras de télé filment les voitures brûlées, la ville dégradée, les magasins saccagés. L'émeute devient l'expression la plus directe de ce qu'on appelle alors le malaise des banlieues et le cliché du jeune de banlieue, sa meilleure incarnation. Sur le plan politique, 1983 marque également les premiers succès du Front National à la mairie de Dreux, alors que les crimes racistes se multiplient sur le territoire, majoritairement contre des maghrébins. Ces drames successifs vont convaincre les habitants des Minguettes, frappés par le meurtre xénophobe d'un garçon de 13 ans, d'organiser une marche symbolique pour l'égalité et contre le racisme. En octobre et décembre 83, près de 40 marcheurs vont ainsi parcourir 1500 km à travers la France jusqu'à Paris, où 100 000 personnes se réunissent contre l'exclusion et les stéréotypes dont les Français issus de l'immigration font les frais. Les stéréotypes dans les années 80, c'est le jeune banlieusard maghrébin, voleur et violent, bien sûr, mais aussi l'immigré de première génération à l'accent prononcé, analphabète évidemment, à la façon Pierre Péchin dans « S'il vous plaît, merci » où il campe, un travailleur arabe. « S'il vous plaît, merci. Je viens juste donner un petit coup de balle à les autres pieds. S'il vous plaît, merci. » Moi, j'ai souvent l'anneau, ou la sécurité sociale, ça va. Moi, je travaille 123 heures par semaine et que je gagne 143 francs par mois, je suis content. S'il vous plaît. Merci. Dans les années 70, quelques humoristes français, blancs, ont commencé à imiter des personnages issus de l'immigration avec un regard qui semble aujourd'hui bien grossier, parfaitement déplacé. On moque l'accent, le physique, comme le fait aussi Michel Leeb sur Antenne 2 en 1983. Dans un sketch intitulé « L'Africain », il véhicule des clichés racistes très violents, relant d'un humour colonial qui assimile l'homme noir au singe. Michel Leeb avance les lèvres vers l'avant, roule des yeux, se gratte la tête façon chimpanzé de foire, le tout avec un accent africain appuyé devant un public hilar et blanc. Ah mais oui. C'est africain. Ah mais oui. L'autre jour dans l'avion en acier qui nous a mené à Roissy, Charles de Gaulle. Arrête de rigoler, de te foutre de ma gueule. L'autre jour, dans l'avion, j'avais une petite faim, alors j'ai demandé la liste des passagers. Et le douanier gourou, il me dit, dis-toi toi là-bas, oui, Buana, viens ici, oui, Buana. Signe particulier, voir photo, là. Il dit, c'est une photo en noir et blanc, là. Je dis, oui, j'avais pas la couleur, bon. Sexe, rose. Attends. Oh. Il me dit, vous pourriez enlever vos lunettes de soleil quand vous me parlez, là. Puis ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes narines. Si Michel Leeb, comme Pierre Péchin avant lui, se défend d'être raciste, ses sketchs, à défaut de faire rire, laissent un goût amer. Il montre aussi combien Coluche était grand, lui qui mettait en scène les immigrés, en se mettant dans leur peau, dans leur malaise. Un humour aux antipodes de celui qu'on a entendu avec Leeb et Péchin. Cependant, au début des années 80, des humoristes, eux-mêmes issus de l'immigration, vont reprendre les mécanismes de l'humour raciste qui plaît tant au public franchouillard. Smaïn, le premier comique d'origine maghrébine, va ainsi répondre aux caricatures par la revendication de sa différence. Qu'il joue les petits délinquants, le vieux travailleur immigré ou le maghrébin du pays, il est, et ce sont ces mots, l'arabe qu'on aime aimer, drôle, gentil, qui met à mal les préjugés, sans faire de mal à personne. Faute de rameur, accent à couper au couteau, couscous et goût du marchandage, dans le beurre président, il reprend à son compte certains stéréotypes, mais pour retourner la situation et faire d'un beurre, le terme apparaît à l'époque, le chef de l'État français. En même temps que Smaïn émerge dans les années 80, une vague d'humoristes issus de l'immigration maghrébine, pieds noirs et juifs, qui vont mettre en scène de façon positive leur appartenance ethnique ou religieuse. Smaïn, mais aussi Popek, Eli Kaku, Michel Boujna, vont initier dans les cafés-théâtres une nouvelle façon de faire rire, fondée sur une utilisation des stéréotypes et de l'autodérision qui force la sympathie. Progressivement, de nouveaux imaginaires se dessinent et un terrain se forme, bientôt propice à la naissance d'un humoriste unique en son genre qui participera à renouveler en profondeur la gymnastique de nos zygomatiques et peut-être aussi la société française. Il s'appelle Jamel Debbouze. Au début des années 90, il sort à peine de l'école et pour le moment, il ne fait qu'en rêver, mais bientôt, très vite, il sera au sommet. C'est le 18 juin 1975 que Jamel Debbouze voit le jour à l'hôpital Lariboisière, dans le 10e arrondissement de Paris. Son père, employé à la RATP, et sa mère, femme de ménage, tous deux d'origine marocaine, quittent bientôt Barbès pour Trappes, dans les Yvelines. Trois quarts d'heure de Paris, oui, mais des chambres pour les enfants, le chauffage central et une vraie salle de bain, ça vaut bien quelques efforts en matière de transport et de déplacement. C'est donc là, dans le quartier des Merisiers, que grandiront Jamel et ses cinq frères et sœurs. Au rythme des visites des huissiers et des bêtises de gamins, l'ado turbulent fait son chemin. S'il n'aime pas beaucoup l'école, où ses facéties lui valent souvent des blâmes, il va y faire une rencontre qui changera sa vie. Un certain Alain Dogois, dit papy. Viré d'un cours de maths, Jamel observe de loin un étrange combat mené par les élèves d'une autre classe de 6e. C'est une joute verbale en équipe arbitrée par papy Dogois. Ce qu'il découvre ce jour-là, c'est le théâtre d'improvisation. Une discipline venue du Canada, qui relève autant du sport que du théâtre, où l'humoriste en herbe va pouvoir user de sa gouaille sans contrainte. Jamel a trouvé son terrain de jeu et devient vite accro. Rapidement, il intègre une équipe et remporte tous les trophées régionaux avant d'atteindre la finale du championnat de France junior de la Ligue d'improvisation française, où il se produit devant le président Mitterrand. En 1995, alors qu'il n'a que 20 ans, Jamel Debbouze, petit prodige de l'impro, est repéré par Jean-François Bizot et Jacques Massadian de Radio Nova, qui lui confie une émission intitulée KX. KX, le KX. Jamel. Bonjour, Jamel Debbouze, comédien. Jamel, avec un J, comme Jean. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? KX, le KX. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Alors là, vraiment, ce n'est pas normal. KX, c'est donc Jamel Debbouze et son ami Omar Sy qui l'a rencontré à Trappes. Dans une ambiance souvent très joyeuse, voire bordélique, il interviewe les humoristes Éric et Ramzy, mais aussi le journaliste Yves Mourouzi ou l'écrivain Francis Zamponi. L'année suivante, en 1996, Jamel Debbouze fait ses débuts à la télé avec une émission diffusée sur Paris Première, où il s'invite en trouble fête dans les soirées parisiennes dont il moque les codes mondains. C'est à cette époque que Michel Drucker l'invite sur le plateau de Studio Gabriel. Un passage express durant lequel Jamel Debbouze se montre déjà très à l'aise. Alors, première question, quand on te demande de te présenter, qu'est-ce que tu réponds ? Jamel, 20 ans, trappiste, 1m87, 88, environ, beau gosse, la clique. Trappiste, c'est-à-dire ? Habitant de Trappes. Voilà. Dans les Yvelines. Dont le maire. Et Bernard Hugo. Et monsieur Bernard Hugo. Que je salue au passage. Oui. Le maire. Il faut toujours saluer le maire. Parce qu'un jour, tu es allé voir monsieur Bernard Hugo à sa mairie, tu lui as apporté ton petit dossier. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai 2-3 photos avec des petites phrases sympas que j'avais écrites, moi et des copains. Et je lui ai dit s'il y a moyen de me pistonner, n'hésitez pas, dites à monsieur Drucker que je suis quelqu'un de bien. Très bien. Et je lui ai passé le dossier, donc voilà, c'est la raison. Et pour être honnête, tu es venu, et pas par ce circuit-là, parce que ouais. Tu es allé déjà faire un spectacle. Donc en fait, je le remercie même pas. Je voulais juste demander un petit service, bougez pas. On a juste une petite minute. Je voulais juste me mettre à côté de vous. Il faut demander à ce qu'il fasse un gros plan, c'est juste pour foutre les boules à mon copain qui a l'air. Gros plan. Nicolas Plisson, producteur et chasseur de tête pour Canal+, attire l'attention d'Alain de Greff, directeur des programmes de la chaîne. Dis donc, ce Jamel Debbouze, bien, non ? Potentiel. Drôle, très drôle, il a un vrai potentiel. Si on lui confie une case, des sketchs sur Canal+. Car l'humour, dans les années 90, c'est ça. Les sketchs télévisuels, comme la télé des inconnus, sur Antenne 2, un programme qui parodie les émissions alors en vogue, ou bien José Garcia et Antoine Decaune dans Nulle part ailleurs. Les inconnus, Garcia, Decaune, mais aussi Élise Moon et Dieudonné, avant la séparation et avant que l'excellence et Moon ne fassent cavalier seul. Tous, en tout cas, mettent au point des galeries de personnages hauts en couleur, déclinés dans des séquences courtes et parfois délirantes, plus ou moins ancrées dans l'actualité. Le sketch télé, c'est donc la forme humoristique de l'époque, celle qui dépoussière les cafés-théâtres à l'ancienne et qui attire un public nouveau, plus jeune. Diffuser à un rythme régulier, ces vignettes d'humour permettent de fidéliser le public, mais elles constituent surtout des espaces privilégiés pour expérimenter, pour innover. C'est ce format que va reprendre Jamel Debbouze dès la rentrée 1997 dans le cinéma de Jamel. Des sketchs de quelques minutes, diffusés dans Nulle part ailleurs, le talk show emblématique de Canal, alors présenté par Alexandre Devoise et Philippe Vecchi. En tout cas, c'est la première fois qu'un programme télé d'humour est confié à un humoriste d'origine maghrébine, à une époque où les minorités bénéficient d'un accès, disons, très limité aux médias. Jamel, mais aussi Omar Sy, Eric Ramzy, pour la première fois, une chaîne de télé fait confiance à des jeunes, arabes, noirs, dont certains viennent de banlieue. Eh bien, il suffisait de reconnaître leur talent. Une stratégie novatrice qui vise à attirer un nouveau public délaissé par les autres chaînes. Une stratégie gratifiante dont Jamel Debbouze se souvient encore aujourd'hui avec émotion. Que ce soit à l'école ou dans la société, quand je faisais une connerie, on me le reprochait, explique-t-il. Là, pour la première fois de ma vie, ma connerie était applaudie et un truc s'est opéré dans ma tête. Je me suis rendu compte que j'étais le bienvenu. J'ai eu ce sentiment d'être quelqu'un d'intéressant et d'arriver dans une famille bienveillante à l'égard d'un talent que j'ignorais moi-même. Canal+, pour moi, c'est une MJC, une maison de la jeunesse et de la culture. J'insiste sur les deux mots. Si l'envie est là, quelque chose est possible. Jamel Debbouze sur Canal+, c'est donc le cinéma de Jamel, mais aussi la série H diffusée sur la chaîne cryptée à partir de 1998. L'humoriste y retrouve Eric et Ramzy dans une sitcom tournée en public à l'américaine. 71 épisodes de 22 minutes, la vie d'un hôpital de Trappes, ses standardistes, Jamel, ses brancardiers, Ramzy, et ses patients, parfois connus, comme dans cet épisode où Thierry Henry, en maillot de l'équipe de France, vient faire soigner sa cheville. Non, Henri. J'ai demandé le nom, pas le prénom. Non, mais c'est mon nom. Je m'appelle Henri. Thierry Henri. Non. Ça, c'est un nom composé. C'est comme nous. Abdelkader. Bon, allez. Profession. Footballeur. J'ai demandé la profession, pas le hobby. Non. Non, mais je suis footballeur professionnel. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Thierry Henry, c'est vous qui avez... La, la, la, la, la. Comment ça me fait plaisir de vous voir. Sinon, ça vous fait quoi? D'avoir gagné la Coupe du Monde. Non, de connaître Zim Zim Zim Dan. ...1998, la finale de la Coupe du Monde de football. On rêve d'une France black-blanc-beurre, d'une intégration pacifiée, d'un pays métissé, d'un pays apaisé. Comme l'équipe de France, les humoristes Méline Canal, Jamel Debbouze, Omar Sy, Eric Ramzy incarnent la possibilité d'un pays multiculturel où tous les Français, qu'ils soient noirs ou arabes, ont leur chance. Jamel Debbouze et sa joyeuse bande, par leur présence médiatique positive, ouvrent à la reconnaissance de la place des populations non blanches en France. D'objets potentiels de moquerie et de blagues racistes, ils deviennent des sujets à part entière de l'humour. Et c'en est fini des personnages fictifs à la Smaïn. Désormais, ce sont Jamel, Omar, Eric et Ramzy qui parlent en leur nom. Pour nourrir leurs sketchs, tous utilisent leurs vraies expériences, leur vraie vie. L'humour devient alors le lieu du récit de soi et de l'authenticité. Ce cocktail pour Jamel Debbouze, c'est d'abord le récit de la banlieue. Trappe, en l'occurrence, où il vit encore à l'époque et dont il connaît toute la complexité. Les ZEP, la délinquance, l'ascenseur social bloqué au sous-sol, les discriminations à l'entrée des boîtes de nuit, le rapport aux filles, tout y passe. Et quel que soit le sujet, l'outil privilégié de l'humoriste, c'est le stéréotype. Jamel Debbouze recycle les clichés qui pèsent sur les banlieues, même les plus négatifs, afin de les déconstruire. Comme dans ce sketch, sur le plateau de Nulle part ailleurs, où il joue de manière ambiguë sur l'une des crispations les plus violentes liées aux banlieues, la sexualité agressive des jeunes hommes qui y vivent. Face à Laetitia Casta, l'humoriste fait semblant d'appeler son frère et obtient un bisou de l'actrice avant de la repousser. Allô, Momo, Momo. C'est mon frère, c'est mon frère. Là, Momo, devine où je suis. Devine avec qui je suis, devine avec qui je suis. Mets la 4. Allume la télévision, mets la 4. Tu vois quoi? Hein? Un singe avec un extraterrestre? Non, ça c'est la gaffe, c'est le big deal ça. Non, mais la 4. Regarde, tu vois quoi? You want, hein? Ah oui, quand même. Hein? Regarde, fais genre, on est intime et tout. Ouais, ça va. T'as vu comment j'ai jeté? Ouais! Ouais! Hey, dis bonjour! Allô? Elle est bonne ou pas? Oui, non! Elle est une valeur! Préviens les autres! Préviens les autres, je la ramène! Préviens les autres, je la ramène, dit-il à son frère au téléphone, risquant là une référence aux tournantes des caves de cité, ces viols collectifs qui inquiètent les Français et occupent la presse à la fin des années 90. Non seulement Jamel Debbouze, qui joue le naïf inoffensif, propose une version sympathique du jeune de banlieue, inédite en tout cas dans les médias, mais il pointe du doigt la stigmatisation dont il fait les frais. Plus encore, en jouant ce sketch sur le plateau de Canal+, devant des présentateurs et des invités blancs, dont le mannequin Laetitia Casta, il souligne le fossé qui les sépare et les rapports de pouvoir et de force dans la société française. Car le récit de soi se double chez Jamel Debbouze à la façon d'un Thierry Leluron ou d'un Coluche, d'un portrait critique, celui d'une société bancale à transformer. En proposant un imaginaire alternatif fondé sur son expérience de jeune banlieusard, maghrébin et discriminé, Jamel Debbouze subvertit l'ordre dominant, bourgeois et blanc. Le contre-discours qu'il expose passe par le contenu de ses sketchs, mais aussi par la forme, sa façon de parler. Bégaiement, verlan, défaut de prononciation, comme ça. Erreur grammaticale et lexicale, l'humoriste retravaille, déforme, enrichit la langue française et transforme une fausse incompétence à parler en vraie capacité à faire rire. Son langage, parfois vulgaire, parfois poétique, résiste à la règle, au bon usage, et lui permet d'affirmer son identité, banlieusarde, mais aussi maghrébine, comme le suggèrent les mots d'arabe qu'il utilise régulièrement. Car la révolution de Bouze, c'est aussi l'irruption à la télévision française de références culturelles arabes auxquelles les téléspectateurs n'étaient pas habitués. Dans une chronique de 1998, toujours sur Canal+, Jamel interrompt par exemple le présentateur météo pour présenter lui-même le bulletin du Maroc, en arabe. Sur scène, dans ses spectacles successifs, c'est tout neuf, Jamel en scène, 100% de bouse, c'est le titre, il aborde ses vacances au Maroc et même l'islam, sa religion. Une appartenance qu'il moque parfois, mais toujours avec autodérision et tendresse. Invité au JT de France 3, il s'amuse ainsi du nom de famille du présentateur Rachid Arabe, soulignant en creux l'absence de figure médiatique d'origine maghrébine. Ouais. Vous permettez que je l'appelle Rachid Arabe pendant tout le... Mais c'est mon nom, donc bon. vous pouvez ça va faire, bien, monsieur, ouais. Rachid Arabe. Je vais très très bien. Ça me fait plaisir. Donc vous avez 23 ans. 23 ans, monsieur Rachid Arabe. Ce qui est extraordinaire avec vous, c'est que de tous vos handicaps, vous avez fait une force. Est-ce que c'est quel ça l'image? Quel handicap, handicaps que vous connaissez mieux que moi. Vous en avez fait une force, c'est-à-dire que vous le dites, et le co-scénariste le dit également, vous travaillez en riant, c'est extraordinaire ça. Ben en fait, mon père n'a pas eu cette chance-là de travailler en riant, ni ma mère. Malheureusement, ils ont galéré. Et moi, alhamdoulilah, grâce à Dieu, comme on dit chez moi, j'ai eu la chance de faire un truc qui me plaît. C'est très bête, hein, mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc je sais que j'ai cette chance-là. Donc je ne peux pas ne pas être super content. C'est impossible de me réveiller en me disant... moi, quand je me lève le matin, je me dis mortel, c'est cool, je vais aller travailler. C'est vraiment une chance en soi, donc je ne peux pas me plaindre. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est déjà fini, on n'a plus de temps pour parler ensemble. Oh non. Mais vous êtes à la Cigale tous les soirs. Je voulais juste dire un truc, oui, si je peux me permettre un conseil, monsieur Rachid Arabe. La prochaine fois que vous présentez le journal, vous pouvez me faire un kiff et le présenter comme ça. C'est-à-dire, moi, je suis vous, je le présente comme ça. Bonjour, vous êtes bien sur le journal télévisé français de France 2, c'est Rachid Arabe. Il y a un problème. Culture arabe, racisme, immigration, banlieue, hip-hop, les thématiques nouvelles, jusque-là inexplorées, introduites par Jamel Debbouze dans l'humour en France, suscitent l'intérêt de publics en mal de modèles d'identification. Qu'ils vivent en banlieue ou non, qu'ils soient noirs, arabes ou pas, de nombreux Français se retrouvent ainsi dans les sketchs de l'humoriste. Car Jamel propose un humour identitaire, très référencé, mais jamais communautaire. Un humour destiné à ceux qui se lassent des modèles culturels hégémoniques et surtout à ceux qui aiment rire. Hey, tonton, les cabas, ils sont trop lourds. Allez, monte dans la voiture, j'ai. Regarde, Bilal, il s'en va. Monte, Bilal, monte. Hé, hey, Atmen. Allez, monte. Allez, on y va. Hé. Hey. Ami Karim, tonton du bled. Tonton du bled. Pour tous les Miss Mourt. Bled du bledi. Bledi. 504 breaks chargés, allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein de gasoil et de gazous pour pas flancher. Bilal, va pisser, le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, toujours le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, je sais c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Vito? À Béjaïa City, du haut de ma montagne. Avant de rentrer feu tard, je fais un petit détour par Warlan. Vu qu'à Paris j'ai dévalisé tout Tati, je vais rassasier tout le village, même les plus petits. Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés, et des jouets en pagaille pour les nouveau-nés. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je suis sur la plage à Boulemat avec mon zinc et son derbouka dans la main. Un verre de Selecto, imitation coca. Une couche de Zidzitoun sur le corps et sur les bras. Avec mon poste sur un fond de Zahouania. On parle de tout et de rien. Des Nike Air au Visa, de la traversée du désert au Boukouskous de Yema. Et mon cousin me dit Karim, kiff les êtes là. Il était tellement bon que j'ai jeté mon cirage en rat. Avec deux trois blédards, on tape la discussion. Mahmoud peut pas s'empêcher de dire que je suis dans la chanson. L'un d'eux me dit moi je t'ai pas vu fait télévision. Et l'autre me demande Sahar Taraf Michael Jackson. Il parle trop vite et en argot de blédard. Je sais ce qu'il ferait pour une poignée de dinars, connard. Le soleil se couche et tout le monde rentre chez soi. C'est l'heure du repas et Dieu la taille. Pour d'autres la chicha. J'ai passé un bon mois dans ce qu'on appelle le tiers monde. Et si j'avais assez d'oseille, je ramènerais tout le monde. Mais je peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment. Des 10 morceaux ont disparu aux enfants et aux mamans. Et je suis rentré à la cité, Arbeya. Content de revoir mes potos et ma chebba. Pendant deux semaines j'ai mangé que de la chorba. J'irai finir mes jours là-bas, Inch'Allah. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir les gens là-bas. S'il te plaît, vas-y, laisse-moi ramener mon scooter. Bon, dans ce cas-là, je ramène mon 3 quarts alors. Bon, alors je prends tous mes CD, toutes mes cassettes. Bon, je prends rien alors. Bon, je me fais la boule au moins avant de partir. Je ramène la PlayStation. Bon, la télé du salon au moins. Je crois que je vais aller là-bas pour me marier ou quoi? Le changement de millénaire, pour Jamel Debbouze, c'est aussi un changement d'échelle. Son deuxième spectacle, en 1999, Jamel en scène, est un vrai succès. L'humoriste est partout, sur Canal+, comme toujours, mais aussi sur scène, dans les journaux télévisés, même au cinéma. Il joue dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, en 2001, et dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, en 2002. Deux rôles qui marqueront les esprits. Pour le gamin de Trappe, c'est l'aboutissement d'un rêve et la preuve que son mantra fonctionne. Tu n'as aucune chance, alors saisis-la. Très exposé, Jamel Debbouze accepte avec plaisir les autographes, les caméras et les questions des journalistes, pas toujours très inspirés d'ailleurs. Sa voiture de luxe, son salaire, son rapport à l'argent, l'ascension éclair de l'humoriste intrigue, fait vendre. Et quand on ne le renvoie pas à son succès, c'est de ses origines dont on parle, toujours. Alors, se voit-il comme un modèle de réussite pour les jeunes des banlieues? N'est-il pas la voix des immigrés d'ailleurs? Se sent-il français ou marocain ou les deux? Sur les plateaux télé, on lui demande de se positionner. Alors, il y a une nouveauté, je disais, avec ce spectacle, c'est bon comme comique, vous avez toujours beaucoup fait rire. Mais là, on sent autre chose. Dans la salle, les gens disent « Jamel, je t'aime ». Une fille surtout. Oui. Mais Jamel président. Oui, j'ai entendu aussi ce genre de choses, mais oui, je suis très content. Mais effectivement, le discours a un petit peu changé. Je m'implique un petit peu. Je m'implique davantage dans ce que je raconte. C'est un peu plus écrit et il y a davantage de gens qui se reconnaissent dans ce que je raconte. Je suis très content. Et puis, je le disais, vous êtes un peu en train de devenir un porte-parole. Vous le faites consciemment. Vous en avez envie. Pas du tout, j'ai jamais voulu être porte-parole ni assistant. De toute la banlieue un peu, toute population confondue, mais on sent qu'il y a... Mais forcément, je viens de Trappe, une banlieue assez chaude, je raconte des choses qui touchent beaucoup de gens, puisqu'ils les vivent, c'est des choses que j'ai vécues, avec lesquelles je suis un peu moins... Je suis moins confronté à ce genre de choses aujourd'hui. Je suis très content de représenter cette jeunesse, mais je ne l'ai jamais cherché. Jamel Debbouze le répète, il n'est pas le porte-parole des banlieues, il n'a jamais voulu l'être. S'il est la voix de quelqu'un, c'est de la France, un pays qui est le sien et qui lui ressemble. Cependant, l'humoriste ne peut faire autrement que de jongler avec ce statut qu'il n'a pas choisi. D'autant plus qu'au début des années 2000, l'idéal du vivre ensemble s'effondre. Sifflé lors du match de foot entre la France et l'Algérie, Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, révolte dans les banlieues... Tandis que la situation se crispe, la conscience politique de Jamel Debbouze s'aiguise, comme il l'explique à David Pujadas sur France 2. Vous dites dans votre spectacle, à un moment donné, c'est pas facile pour les Arabes en ce moment. Alors on parlait du côté porte-parole, ça fait que vous vous sentez aujourd'hui peut-être un peu plus investi? Non, effectivement, je grandis, donc je vois... Ça fait partie du spectacle? Non, je grandis, je vois des choses qui me touchent, avec lesquelles je suis pas d'accord. Ma conscience politique s'affirme de plus en plus. On vit dans des situations, dans des cités, dans des ghettos qui sont pas, tu sais, qui sont pas viables, qui sont pas normales. Donc forcément, moi, mon rôle aujourd'hui, vu la chance que j'ai de pouvoir parler au maximum de gens, c'est de le dire et de mettre le doigt dessus. Maintenant, les gens font ce qu'ils veulent, mais que ce soit à Félix Pia ou dans la cité des Merisiers, il y a beaucoup trop de cafards, et ça, c'est pas normal. En 2002, avec Akhenaton du groupe IAM, Jamel Debbouze prend l'initiative d'une vidéo diffusée dans les cinémas où il appelle à voter pour Jacques Chirac au deuxième tour de la présidentielle. Plusieurs personnalités confient leur chance de vivre dans un pays métissé et le danger pour la démocratie que représente le Front National. Parmi eux, Jean-Pierre Bacri, Mathieu Kassovitz, Gérard Depardieu, Alain Chabat et, bien sûr, Jamel Debbouze. Je suis français. Je suis marocain d'origine et fier de l'être, mais je suis français. Je suis né ici, j'ai grandi ici, je vis ici, je suis un Nicicien. Il n'y a aucune personne qui pourra me dire le contraire. Mon grand-père était tirailleur marocain, il a combattu pour la France. Mon père était maçon marocain, il a aidé à reconstruire cette même France. Et grâce à leur sacrifice, j'ai le droit de vote. Et je compte sincèrement le garder. Ah, son grand-père tirailleur marocain. c'est l'inspiration d'un film important que Jamel Debbouze coproduit en 2006. Il s'appelle Indigène. Il est tourné par Rachid Bouchareb. Un hommage aux soldats nord-africains qui ont combattu pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est Jamel qui joue le rôle principal, pour lequel d'ailleurs il recevra avec tous les acteurs le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes. Pour lui, ce film est aussi l'expression d'un ras-le-bol. Indigène nous permettra d'être légitimes auprès des gens qui nous bassinent avec l'intégration et essaient de trouver des liens entre Zidane et Ben Laden, expliquait-il dans Envoyé spécial en 2005. C'est donc par le cinéma et par son engagement personnel que Jamel Debbouze se libère du statut de porte-parole des banlieues qui lui avait été assigné. Désormais, il n'est plus le petit banlieusard rigolo mais énervé à la langue bien pendue. Non, c'est un citoyen concerné qui agit selon ses convictions. Sa légitimité désormais assurée, Jamel Debbouze peut revenir à sa passion première, la scène. Ladies and gentlemen, are you ready? Un an après les affrontements violents qui éclatent dans les banlieues françaises à l'été 2005, le président Chirac désigne comme priorité nationale la lutte contre les discriminations liées aux origines. En 2006, il fait voter une loi qui impose au CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'assurer la diversité de la société française dans les médias. Au même moment, sans qu'on ne puisse dégager un lien direct avec l'agenda politique de l'époque, Jamel Debbouze et Kader Aoun, scénariste et producteur phare de Canal+, créent le Jamel Comedy Club. Une émission d'humour, diffusée entre 2006 et 2008 sur Canal+, en clair, qui va révolutionner le genre et redistribuer les cartes du jeu médiatique et humoristique. Le concept, une scène ouverte, filmée, un tremplin qui accueille de jeunes humoristes inconnus du grand public. 4 par épisode, 7 minutes chacun pour convaincre l'assistance et Jamel Debbouze en maître de cérémonie. L'inspiration du Jamel Comedy Club est anglo-saxonne, c'est le stand-up, un genre né aux États-Unis au début des années 80 avec des humoristes souvent afro-américains ou juifs comme Eddie Murphy et Woody Allen. Le principal est le principe, un humoriste improvise ou feint d'improviser une discussion spontanée avec le public sans incarner d'autres personnages que lui-même. Dans le domaine du stand-up, le modèle ultime de Jamel Debbouze, c'est Richard Pryor, comme il l'explique à Rebecca Manzoni sur France Inter. C'est vrai qu'en plus dans ce que vous pratiquez, ce qu'on appelle le stand-up, où on arrive sans costume. Ouais, il y a une espèce de familiarité comme ça. Puis vous communiquez beaucoup avec le public. Ouais, exact. Ça fait partie du jeu. Ouais. Donc on se dit, il est comme nous, on est comme lui. Oui. Vous vous êtes dit ça avec qui, vous? Avec Richard Pryor. Avec Eddie Murphy. C'est qui Richard Pryor? Richard Pryor, c'est le parrain du stand-up mondial. C'est un anglo-saxon, un américain, qui a raconté la misère comme personne sur une scène en faisant du stand-up. C'est un black, avec tout ce que ça implique aux États-Unis. Il était alcoolique, il était drogué, il est divorcé, plusieurs enfants, plusieurs mariages. Et il raconte sa vie le plus naturellement du monde, sans avoir peur qu'on le juge. Il dresse un portrait de lui, après on en fait ce qu'on veut, mais un portrait de la société dans laquelle il évolue. Il raconte le quotidien d'un noir américain, quoi. Donc ça me parle forcément. On est tous des Américains, annonce Jamel Debbouze au début de la première saison du Jamel Comedy Club. Pourtant, tous les humoristes de l'émission sont français, la plupart franciliens et pour beaucoup issus des minorités. Dans la première saison, il y a par exemple Thomas Ngijol, d'origine camerounaise, Frédéric Chau, franco-vietnamien, Amel Charbi, originaire du Maroc, mais aussi Blanche Gardin et Alexis Macar. Le stand-up, pour Jamel Debbouze, c'est une inspiration revendiquée qui permet aux humoristes de son écurie de se repositionner collectivement autour d'un trait commun, les États-Unis, le rapport au public, la spontanéité. Le tout sans passer par la référence à la banlieue où tous n'ont d'ailleurs pas vécu, bien que les poulains de Jamel soient souvent catalogués humour de banlieue. Les deux premières saisons de l'émission sont un tel succès que Jamel Debbouze décide d'aller plus loin. En 2008, il ouvre son propre théâtre à Paris, le Comedy Club, sans place assise, dans une petite salle à la mode new-yorkaise où l'on se presse en nombre tous les mardis soirs pour voir gratuitement ceux qui nous feront rire demain. Témoignage de fans qui n'ont pas pu entrer tant la file d'attente était longue. Ça fait combien de temps que vous attendez là? Ça fait une heure. Congèle, j'ai les pieds gelés là, je tiens plus debout, donc là j'essaie de négocier avec le videur, on se croirait en boîte. Et vous arrivez d'où? moi, de très très loin, comme je disais au monsieur là. J'habite dans une contrée inconnue que personne connaît. En fait, non, je suis de l'Essonne, dans la banlieue sud, donc c'est vachement loin d'ici. C'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir au moins une place pour ce soir. Parce que c'est la deuxième fois que je tente et que je parviens pas à rentrer. C'est quoi leur thème en général? Ils parlent de quoi? Oh, de la vie courante, hein, de tout et de rien. Enfin, voilà, c'est tous les thèmes de société. Ouais. Ce qui est marrant là, dans ce concept-là, c'est qu'ils prennent des gens dans le public et ils font des blagues sur les personnes, quoi. Où est-ce qu'ils vivent, enfin, sur leur tenue, comment ils sont habillés, leurs origines, etc., quoi. Donc, c'est marrant. Et bon, c'est marrant quand c'est pas nous qui sommes visés, quoi. Après, c'est marrant sur les autres, mais pas quand ça nous concerne personnellement. Donc, du coup, vous avez fait attention à comment vous vous habillez? Vous vous êtes dit, là, je vais peut-être me faire chambrer là-dessus? Non, j'ai pas vraiment pensé à ça. C'est vrai, peut-être un peu, mais bon, voilà, je me suis pas habillée en Kaira, par exemple. C'est ce que je voulais penser. Ouais, pourquoi? Pour pas me faire chambrer, tout simplement. Ouais, parce qu'ils chambrent les Kaira en particulier. Voilà, ouais, entre autres. Si cette jeune femme qui parle a peur d'être prise à partie, c'est parce que c'est l'une des spécificités du stand-up, justement, et du Jamel Comedy Club. On y rit des autres, oui, mais aussi de soi, tous ensemble. Les humoristes, représentatifs de la mixité de la société française, parlent de stéréotypes raciaux, de genre, de classe sociale, à un public également multiculturel. Alors, chacun raconte sa vie, parfois de façon intime, et tous participent à construire une expérience collective de l'identité et de la diversité. Et tout cela, et c'est voulu, n'empêche pas l'expression de préjugés, de stéréotypes et même de blagues racistes. Au Comedy Club, les Noirs peuvent se moquer des Arabes, les Arabes des Chinois, les Chinois des Blancs, les Blancs des Noirs, et chacun soi-même. Bref, on peut rire de tout, à condition que ce soit avec tout le monde. Une manière, pour des humoristes issus des minorités, de mettre en lumière les processus de discrimination à l'œuvre dans la société tout en se réappropriant l'humour raciste dont ils ont pu être la cible. Les blagues communautaires au Comedy Club, c'est donc la règle. Et personne n'est épargné, comme en atteste cet extrait du sketch de Thomas Angelo, le Superman noir, qui fait pendant à l'Africain de Michel Leb. C'est pathétique, votre Superman. Hein. Non, sérieux, avec un blanc pour s'habiller comme ça. Parce que le deuxième Superman, justement, a été noir pour nous, et je vous le dis tout de suite, lui, ça a été un sapeur. Hein. Ah, parce que les Noirs, j'avoue, on a beau avoir beaucoup de défauts, mais on déconne pas avec le style. Non, mais... Ah, mais c'est vrai. Un Noir, plus il est pauvre, plus il est stylé. Hein, d'ailleurs, je remarque qu'il y a beaucoup de gens stylés dans la salle ce soir. T'as du style, si c'est bien ça. Tu bouffes que du riz, mais t'as du style. Non, mais on est des escrocs, les Noirs, moi je le dis, je vous jure. Oui, j'ai tous les RMI, mais j'ai du style, monsieur. Des fois, vous n'arrivez pas d'être dans les transports en commun et de voir des Noirs super stylés, vous savez, en costard, 54 pièces. Pa, pa, pa, pa, pa. Quand vous les voyez, vous vous dites « Waouh !» Ça doit être le ministre de l'Intérieur de son pays, celui-là. Eh ben non, pas du tout, non. Ces gens-là, c'est des aérois. Il y a près de 25 ans, Jamel Debbouze faisait une entrée fracassante dans l'humour français. De sketch en talk show, de film en spectacle, il a ouvert la voie à des thématiques, à des formes et à des publics inédits. Banlieue, immigration, culture arabe, islam, discrimination, autant de sujets dont on ne riait pas, ou si peu, avant qu'il n'en fasse avec le soutien de Canal+, une possible et bénéfique inspiration. Just let go of sorrow, like there's no tomorrow, 'cause tonight might be your last. So stay up till sunrise, wipe the tears from your eyes, leave it in the past. The past, the past, the past, the past, leave it in the past. The past, the past, the past. Breakdancing boogie, my love. This is 1971. I crave that brain and that flesh. Cups of tea and gums that bleed red. Say you wrap the plastic in white. Say you single all of my life. Blackest skin to disfigure my crimes. Credit cards and losing my mind. Piece by piece, they stitch me. Ain't no love, I'm still banging out with me. I can't cry for those who ain't with me. I can't praise the Lord, please forgive me. Pink like pussy, extra pushy. Hands up off me, she's so lovely. Fame and fortune, all those habits. Pink and white, them panties matching. I want to stay forever. Get my old thing back. True. But baby, I always wanna bring up shit from the past. Yeah. Whoa, our options are limitless. Putting in effort for the effort is too effortless. Whoa, fuck checks, see the necklace. Gold hit the lips every time that I'm hitting it. Huh, I told her, baby, I'm sorry. But if you think we got problems, then baby, watch Mari. Yeah, that's why you gotta smell the roses. We parted ways like she cheated with Moses. That's fucked up, but a lot of things are. In Hollywood, but I never see stars. Do anything for you, that's love. Go anywhere for you, that's love. Might even kill for you, that's love. And if you're still tripping, that's drugs. Just like hope and sorrow, like there's no tomorrow. Cause tonight might be your last. France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Jamel Debbouze et son humour et ses adeptes. Et notre invitée, Samia Rosman, bonjour. Bonjour. Vous êtes humoriste, vous produisez actuellement au Théâtre de l'Apollo à Paris, les vendredis, samedis et dimanches. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre intitulé « Femme de couleur », publié chez First Edition il y a quoi, quelques jours, quelques semaines? C'est ça, il y a un mois. Il y a un mois, voilà. Alors, vous êtes franco-tunisienne et vous êtes devenue humoriste, vous donc. Et quel est votre parcours et... Pourquoi devient-on humoriste? C'est quoi la démarche? De quoi a-t-on envie quand on est humoriste? Alors moi, à l'origine, je suis comédienne de formation. Ouais. J'ai fait le conservatoire de théâtre à Paris. Ouais. Je fais de la scène depuis que j'ai 12 ans. Et en fait, mon parcours visait plutôt à me mettre en scène à travers des pièces de théâtre. Et puis, il y a eu un événement dans ma vie qui a fait que je me suis dit que ce ne serait plus possible, qu'on m'offrirait plus jamais de rôle. Et donc, qu'il fallait écrire mes propres textes. C'est que j'ai décidé de mettre un bout de tissu sur ma tête et que ça a compliqué un petit peu la donne. Il y a un joli turban, avec des belles couleurs. C'est gentil, ouais, je le porte. Il y a un beau bleu, il y a un bleu magnifique, il y a du jaune. Du noir et du rouge. Ouais, c'est ça. Je suis habillée en maman d'Afrique subsaharienne parce que j'adore les couleurs. Mmh. Et donc, du coup, dans mon spectacle, je raconte que j'ai toujours rêvé d'être noire. Et mon spectacle, en fait, pourquoi je me suis lancée dans l'humour? Parce que je me rends compte que dans la vie de tous les jours, comme disait Boris Vian, l'humour, c'est la politesse du désespoir. Mmh. Et que souvent, il y a des situations tellement désespérées que la seule manière de s'en sortir, c'est d'en rire. Et donc, ben, j'essaye de transmettre du bonheur et de l'amour aux gens. Et pour l'instant, ça marche bien. Donc, pour vous, le rire et le métier de rire, c'est transmettre du bonheur. Je retiens ça. Où puisez-vous votre inspiration pour transmettre ce bonheur, quoi, dans la vie de tous les jours? Exactement. Dans votre passé, dans l'actualité? Où n'allez-vous pas et où allez-vous? Tiens. Un peu de tout. Un peu de tout, en fait. Moi, ce que je raconte, c'est que du vécu, c'est que des histoires qui me sont arrivées. Alors, je n'invente pas, j'extrapole. Parce que je suis une femme et que je suis maghrébine, donc forcément, il fallait que j'extrapole. Donc, j'en fais toujours des tonnes. Mais tout part de mon vécu. Et c'est souvent des souffrances que j'ai rencontrées, que je transforme en rire, et avec lesquelles j'arrive à faire rire les gens et à leur permettre aussi de prendre du recul par rapport à leur propre situation. Y compris des quinquas, des sexas qui rigolent en mode vibreur. C'est ça. C'est ce que je dis dans mon spectacle. Ouais, je vous ai piqué, en fait. Là, on se dit, oh là là, Fabrice Drouel fait de l'humour. Voilà, mais pas du tout, je lui ai piqué une réplique. Voilà, ce que je disais, c'est que hors antenne, je vous expliquais que depuis mes premiers passages sur France Inter et Télérama, les franco-français débarquaient enfin dans ma salle parce qu'ils entendent parler de moi et que c'est des gens qui ont la cinquantaine, soixantaine et qui rigolent en mode vibreur. Voilà, nous, on est un petit peu plus expressifs dans les rires. C'est quoi rigoler en mode vibreur pour le coup? Bah du coup je peux pas vous le faire parce que c'est du mime. Donc secoue en fait tout le haut du corps, voilà. Et puis il y a aucun son qui sort. Donc les franco-français Français, surtout les Parisiens, ont tendance à rire comme ça dans la salle. Donc des fois, il nous arrive de jouer, de pas entendre de retour et de se dire mais mince, personne n'aime. Et en fait, non, ils aimaient beaucoup. C'est juste qu'ils ont une autre manière de l'exprimer. Non, ce qui est difficile pour le comique, parce qu'il a besoin du retour pour le sécuriser. Mais Dieu merci, il y a pas que dans la salle. Il y a un vrai mélange. Donc c'est chouette parce que ça rééquilibre. Oui. C'est vrai que quand vous jouez une tragédie, vous posez pas la question, vous attendez la fin de la pièce. Exactement. Après les gens applaudissent ou pas d'ailleurs. Ouais. Mais il y a pas cette angoisse là. Quand on est dans le comique, j'imagine qu'il y a l'angoisse du non-retour. On attend un retour immédiat effectivement. Qu'est-ce qu'on ressent quand il y a pas de retour et que c'est dû à autre chose que la rigolade en mode vibreur? Ben on se remet en question. On se dit mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi les gens ne rient pas? Est-ce que je l'ai fait dans un mauvais rythme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a échappé? Et donc c'est bien parce que ça nous permet justement de travailler davantage. Et vous remarquez qu'en faisant exactement la même chose le mardi soir, sur une réplique, hein, et le mercredi soir, le public ne va pas forcément réagir de la même façon. Pourtant, vous êtes conscient d'avoir fait la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas le bon rythme? C'était pas la bonne rupture? Peut-être c'était pas le bon quart que de c'est seconde ça. Et peut-être aussi que ça parlait pas au public qui était présent aussi. Ou peut-être que l'énergie n'était pas bonne. Il y a énormément de raisons. Les raisons sont multiples et après, tout dépend de l'instant. Vous avez un processus d'écriture pour faire rire, des techniques, des habitudes? En fait, moi, ma méthode, c'est de re-raconter des histoires qui me sont arrivées à plusieurs personnes différentes et de voir ce que ça peut donner. Et si je vois que la réaction est positive à plusieurs reprises, là, je me permets de l'intégrer dans mon spectacle. Et c'est comme ça qu'il a évolué à travers le temps. Et avec une part d'improvisation, je dis ça parce que Jamel Debbouze est un champion, il a commencé comme ça. Quelle place tient l'impro dans votre travail? Alors, l'improvisation, elle est là juste pour remettre les gens à leur place quand ils se permettent de trop s'introduire dans mon texte. Parce que j'ai mon texte, je raconte mon histoire et de temps en temps, ben, y a quelqu'un qui va s'amuser à vous répondre parce qu'il imagine qu'il est devant sa télé alors qu'en fait vous êtes là en train de raconter une histoire et qui vous interrompt. Donc là, dans ces cas-là, je suis obligée de le remettre en place parce que si je le charrie pas, il va me bousiller tout mon travail. Donc je suis obligée de charrier les gens qui se permettent. Et c'est drôle. Ou alors quand il y a des réflexions qui sont faites à haute voix, mais des fois ça arrive, les gens parlent sans s'en rendre compte aussi. Et dans ces cas-là, ben, je rebondis là-dessus. Et donc c'est un autre sort du comique qui est celui issu de l'improvisation et de l'exploitation d'un moment et d'une situation particulière. Exactement, il faut avoir de la répartie et l'intelligence d'esprit de rebondir sur ce qui vient de se passer. Alors, le stand-up, Jamel Debbouze en parle avec Richard Pryor. Vous le connaissiez celui-là? Oui, Richard Pryor, oui, bon, bien sûr. Moi, j'ai découvert. Hein. Donc, c'est votre maître à tous, un peu? Pas forcément. Moi, je m'inspire de d'autres artistes. Moi, par exemple, Elie Kakou, j'aimais beaucoup. Peut-être parce qu'il est aussi d'origine tunisienne, j'en sais rien, et que c'est le même référentiel qu'on a. Et tout à l'heure, comme vous le disiez, Coluche aussi, parce que c'était quelqu'un de bienveillant et qu'il arrivait à se mettre dans la situation des personnes qu'il jouait. Et je pense que c'est ça le plus important, ce qu'on retient finalement du travail d'un artiste, c'est quand c'est fait avec amour. Jamel Debbouze, c'est un modèle aussi pour vous? Ça a été un pionnier en fait, c'est surtout ça. Il a ouvert beaucoup de portes et il a permis à beaucoup d'artistes de pouvoir s'exprimer et il a fait un très beau parcours, c'est un acharné de travail et il est arrivé jusque là où il en est parce qu'il a beaucoup beaucoup travaillé. Après, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui le regardent en pensant que tout s'est fait très facilement, qu'il a suffi de claquer des doigts ou alors qu'il suffit d'aimer la scène pour monter et devenir comédien, et c'est pas si simple que ça. Bah non, c'est un métier évidemment, d'abord c'est un talent, c'est une prédisposition, après c'est un métier, il faut le travailler. Exactement. On peut aussi passer par des écoles, c'est aussi l'école de la rigueur. La scène et le comique, c'est une école de la rigueur aussi. Faut le dire. C'est exactement rien, ça. C'est, rien n'est facile. Et ça, c'est, bien et, sûr. Et les résultats sont là après des années d'acharnement et de travail et d'abnégation. Qu'est-ce que vous avez ressenti tout à l'heure quand vous avez entendu les sketchs de Michel Leeb et de Pierre Péchin? Ah, mais moi, j'ai pas réussi à retenir mes larmes. c'est triste. C'est triste en fait. Ouais. Parce que je reste convaincue que ces deux comédiens-là ne se rendent même pas compte de ce qu'ils ont fait au moment où ils l'ont fait. C'est peut-être que maintenant, avec du recul et avec de la distance, ils peuvent comprendre. Mais quand on ne fait pas partie des racisés, c'est difficile de se mettre à leur place. Oui, ils sont aussi des hommes de leur époque. Une époque qui permettait cela. Ouais. Alors, on a fait des progrès, hein. Dieu merci. Oui, là-dessus, on a fait des progrès, c'est sûr. Alors, dites-moi, vous avez créé le Festival de Rire à Djerba, en Tunisie. Là, on pense, c'est un parallèle avec Jamel, qui a créé un festival équivalent à Marrakech, lui. Ouais. Voilà, découvreuse de talent, c'est une nouvelle vocation? En fait, c'est pas ça. C'était surtout pour apporter quelque chose culturellement au pays de mes parents, à mon pays d'origine. Pour moi, c'était vraiment important. Surtout qu'après la révolution et après les attentats qu'il y a pu y avoir en Tunisie, il y a eu une vraie chute du tourisme. Donc, je me suis dit, j'aimerais être utile au pays de mes racines d'une manière concrète, voilà, pardon, je ne trouvais pas mes mots. Et du coup, ben, la seule chose que je sache vraiment faire, c'est de faire rire et peut-être d'organiser des spectacles. Et donc, du coup, on a organisé deux éditions du Festival du Rire à Djerba dans un amphithéâtre qui contient 5000 places. Et l'été dernier, on a réussi à faire venir 4000 personnes. Bien. Donc, l'événement a été pas mal couvert par quelques médias français et je suis ravie. Et ça fait venir du monde et j'espère que les prochaines années seront encore plus soutenues, on verra. C'est en juillet ou en août ? Cette année, ce sera en août. Normalement, c'est le 29 août. Du combien en combien ? Ce sera sûrement deux soirs juste avant. D'accord. En fait, comme on n'a pas encore énormément de moyens, l'été dernier, ce qu'on a fait, c'est que les deux premiers soirs, on les a fait dans des petits lieux confinés, dans un joli salon de thé qui est un ancien caravansérail en plein cœur de la capitale. Et puis le soir d'après, on l'a fait dans un hôtel qui s'appelle les Jardins de Toumana, qui est entre tradition et modernité. Et le dernier soir, on l'a fait dans l'amphithéâtre. Donc pour l'instant, on fait avec ce qu'on peut. Pour moi, c'est un modèle, le festival que Jamel a organisé, parce qu'il faut savoir qu'il a été beaucoup soutenu par le Maroc après qu'il y ait eu des attentats là-bas. Donc c'est aussi cette volonté-là d'essayer de faire quelque chose culturellement pour faire venir des gens qui viennent et pour le soleil, et pour la villégiature, et pour découvrir le pays, mais en même temps pour cet événement culturel. Vous le connaissez personnellement, Jamel ? Je l'ai rencontré une fois, la fois où je suis allée jouer au Jamel Comedy Club. Il a traversé la pièce, il m'a tenu les mains, il m'a dit « Je voulais vous dire que j'aime beaucoup votre travail, vous avez beaucoup de talent. » Et je lui ai répondu « Tu peux me tutoyer, je suis toute seule dans ce gros corps, donc il n'y a pas de souci, tu peux me dire tu ?» Et vous l'avez trouvé sympa, quoi. Il vous a plu. Ouais, ouais, il est chouette. Bah écoutez, moi, j'ai jamais interviewé. Il vient quand il veut, ce sera avec plaisir. On va vous écouter, hein, puisqu'on vient de vous écouter parler. On va vous écouter parler aussi, mais sur scène, cette fois, extrait du spectacle que vous donnez au théâtre de l'Apollo à Paris. J'ai toujours été fascinée par l'Afrique subsaharienne. Ce qui me fait souvent rire, c'est quand on me dit « Allez, vas-y, fais-nous l'accent africain ». Ça veut rien dire, l'accent africain. C'est comme si je te disais « Mais fais-moi l'accent européen ». Et puis, généralement, c'est les Arabes qui te disent ça. « Eh, vous êtes au courant, les Maghrébins, que le Maghreb, ça se trouve pas en Californie ?» C'est en Afrique, ok ? Et même en Afrique, il y a différentes manières de parler. Par exemple, les Maliens, quand ils parlent, ils sont toujours très souriants. Ils ont le visage illuminé. Ça donne un peu ça. Ça va ? Alhamdoulilah. Tiens, parents, ça va, la famille, ça va, tout le monde, ça va. Amoro, le numéro, ma, tiens. Ensuite, il y a le Cameroun. Alors, les Camerounais, ils sont un peu comme nous, les Tunisiens. Quand ils parlent, ils ont tendance à chanter, sauf qu'ils utilisent beaucoup de mots compliqués pour pas grand-chose. En ce qui concerne le conflit qui se sont produits à l'intérieur même de ce café. Je dis, mon frère, tu dis tout ça pour dire ça? Et pour finir, il y a mes préférées, les Ivoiriennes. Alors les Ivoiriennes, elles ont du tempérament, de la présence. La dernière fois, il y en a une, elle était en train de marcher dans la rue, et t'as un petit Parisien qui lui dit, mais avance, dépêche-toi. Je n'avance pas, y'a quoi? Écoute, t'es pas contente, t'as qu'à rentrer dans ton pays, ok? On rentrera chez nous quand vous nous aurez rendu ce que vous nous avez volé. C'est quoi la différence? Comment vous l'expliquez, vous, la différence entre ce qu'on vient d'entendre, donc votre façon de parler des Africains, et la façon de Leb de parler des Africains il y a 30 ans? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est fait avec respect, avec beaucoup d'amour et surtout en les connaissant. Un jour, il y a mon papa qui m'a posé la même question. Il me dit, moi je comprends pas, toi tu te moques d'eux et eux ils rigolent. Je dis, mais papa, c'est ça que t'as pas compris. C'est que je me moque pas d'eux. Admettons que demain, un Asiatique vienne te voir et qu'il te fasse la nuance entre les accents du Tunisien, de l'Algérien et du Marocain. Tu serais pas étonné? Je lui dis, bah, c'est exactement ça. C'est quand tu aimes les gens et que tu essayes de les imiter au mieux, avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect, et bien au contraire, ça les touche en fait que fait cet effort-là. Et quand j'ai joué le passage des accents d'Afrique subsaharienne à Douala, au Cameroun... Ah, je vais vous demander exactement, vous avez joué au Cameroun. Alors, réaction ? Eh bien, ils ont applaudi. Et ça a été l'un des moments les plus touchants de ce que j'ai vécu sur scène. Je me suis dit, je les imite et ils se reconnaissent tellement bien qu'ils applaudissent. Et ça, c'était magique. Toute dernière chose, le fait que vous portiez un turban avec ces belles couleurs, un turban dont vous avez parlé tout à l'heure, vous ne craignez pas qu'on vous reproche de faire de l'humour communautaire? C'est ça le problème en fait, c'est que quand on est basané et qu'on raconte son histoire, eh ben on fait du communautarisme. Mais quand on est blanc, bizarrement, c'est pas du communautarisme, c'est de la culture. Dieu merci, non, on me le reproche pas, parce que les gens qui ont l'intelligence d'esprit de venir écouter ce que j'ai à dire se rendent compte que tout le monde s'en prend plein la figure et que finalement c'est un spectacle qui rassemble les gens et qui érige des ponts là où avant il y avait des murs. Ah bon, autre progrès notable ces dernières années, dernières décennies, il y a de plus en plus de femmes comiques et seules en scène. Hein. Il était temps, surtout que les trois quarts des spectateurs sont des femmes. femmes. Ce sont les femmes qui traînent leur mari pour aller voir des spectacles. Ah bon ? Donc il serait peut-être temps de mettre surtout des femmes en scène. Tiens donc. Allez, un mot, il reste 30 secondes à peine, un mot de votre livre. Un livre reconnu d'utilité publique. C'est ce que les gens disaient. Mentionnez quand même, hein, s'il vous plaît. C'est ce que les gens disaient de mon ça spectacle raconte quoi en fait. J'ai pas lu, ça raconte. Ça raconte quoi mon parcours, mon histoire. Oh, quel dommage que vous l'ayez pas. J'ai pas eu le temps. Écoutez, moi je vous dis. Ah bah, il va falloir refaire une émission hein, voilà. Quand vous l'aurez lu. Je suis un journaliste honnête. Quand j'ai pas le temps de lire le livre, bah, je le dis. Mais vous avez bien c'est, fait. C'est rare, mais là, vous voyez, j'ai pas eu le temps. Non, je comprends parfaitement. Ça raconte mon parcours, mon histoire et tout ce que j'ai traversé pour réussir à pondre ce spectacle et à faire le métier que je fais aujourd'hui. Merci infiniment, Samia. Merci à vous de m'avoir reçu, j'étais ravie. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'humour issu des minorités, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Jeanne Maillard, Simon Maisonhomme, Gabriel Debré, Jean Bulot. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, David Jacoboviez et Jérôme Boulet. À la technique aujourd'hui, Philippe Duclos.